Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 654. Nous sommes le 26 novembre 2025 et l'album de la semaine va être New de Paul McCartney, sorti en 2013. On écoutera successivement Save... Enfin, pas successivement, au cours de l'émission, on écoutera Save Us, Alligator, Early Days, Queenie Eye, I Can Bet... Et Everybody Out There, il y aura New aussi que j'ai rajouté juste pour le plaisir. Je tiens à vous dire que puisqu'on fête aussi la sortie de l'Anthologie 4, tous les Beatles, tous, seront extraits de Anthologie 4 sortie maintenant, en 2025. Mais il y aura également du John Lennon, du George Harrison et du Ringo Starr, comme par exemple I Found Out pour John Lennon en 1970 sur Plastic Ono Band. My Sweet Lord, mais pas la version de 1970, celle de l'an 2000. Vous allez l'entendre si vous ne la connaissez pas. Il l'a revue et corrigée suite à l'accusation de plagiat qu'il avait eue en 1976. Il a dit, rigolant, celle-là, vous ne pouvez pas m'accuser de plagiat parce qu'elle est différente. L'air est différent. Bon, on verra ça. Et puis, Ringo Starr chantera la fabuleuse chanson Photographe en 1973 sur l'album qui s'appelle Ringo. Voilà, pour le reste, on se donne rendez-vous sur le groupe Facebook de l'émission. Le groupe s'appelle La Saga des Fab Four sur RIG. C'est extrêmement facile à trouver. Et bien, une fois que tout cela sera fait, on se dit bonjour et puis on y va jusqu'à 22h. Bonne soirée à l'écoute des programmes de RIG. Aujourd'hui et là maintenant, comme chaque mercredi entre septembre et juin, c'est la radio des Beatles. Premier titre repris en live, Save Us sur RIG. C'est un album très autobiographique où Paul McCartney revisite à la fois son présent heureux, son mariage avec Nancy Shevell, et sa jeunesse à Liverpool, tout en travaillant avec une nouvelle génération de producteurs comme Paul Epworth, Mark Ronson, Jill Martin, le fils de George Martin, et Ethan Jones. Savus ouvre l'album et fait partie du groupe de morceaux très énergiques produits par Paul Epworth, connu pour son travail avec des artistes plus jeunes comme Adele par exemple. McCartney l'a rapidement intégré à ses concerts, notamment au Tokyo Dome en 2013, où une version live est sortie ensuite en bonus, ce qui montre à quel point il la voyait comme un bon opener moderne de cette liste. La même année, en 1970, George Harrison était complètement constipé, on va dire, par John Lennon et Paul McCartney qui l'empêchaient de, alors qu'il était devenu bon, qui l'empêchaient de sortir ses chansons. Alors il les a gardées pour lui et les sort sur All Things Must Pass. Voici My Sweet Lord. Je vous ai dit pas la version 1970, celle de l'an 2000. Elle n'existe que sur le coffret de l'an 2000. really wanna be with you. I like to see you lost, but with me takes a lot. My sweet love, I'd like to go with you. I wanna show you love, that it won't take long. Hallelujah. Oh, my sweet love. Cette version aussi. Rook me l'a signalé sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. J'ai dit que cette chanson-là n'existait que dans le coffret. J'avais tort. Elle est sortie également en 45 tours. Enfin, en 45 tours, vous comprenez. En single, j'avais juste oublié. I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a 1, 2, 3, 4. Gently reach.

cette chanson-là, c'est Ringo Starr. En 2024, extrait de Crooked Boy, voici February Sky sur RG. In the sounds of devastation. Bloody little mic out of the way. Don't be nervous, John. I'm not. Don't be nervous. That boy! I just went dead loud on one bit. Oh, come on. don't have stirrups anyway. Back again. That boy isn't good for you. wants you back again. I and this boy would be happy just to love you. But oh my, that boy won't be happy till he's seen. Get you back again. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des femmes fortes. Cause it does, it clashes, tell me why. And those eyes, if you tell me why, I cry. Just do it on one. Tell me why you cried and why you lied to me. And you don't need to go me, he. You know, just end don't on the me. Yeah, oh, what about this stop bit or something? Do you want to practice the stop bit? Okay then, George. Take four. One, two, three, four. What did you do then? You made a mistake. No, I know you did. Tell one, two, three, four. Tell me why you cried and why you lied to me. Tell me why you cried and why you lied to me. Let me sit on my own. Alors, même si ce sont des extraits de l'Anthologie 4, donc on les entend parler en studio, c'est très intéressant pour nous, les grands fans que nous sommes des Beatles, mais il reste toujours que dans la première partie des Beatles, c'était les harmonies qui étaient là, qui étaient quelles fabuleuses harmonies qu'ils arrivaient à faire à trois. Ringo Starr ne participait pas pour les harmonies, mais George, John et Paul, chapeau les gars, vraiment, vraiment très, très, très bien. Je voulais vous dire autre chose et puis ça m'est sorti de l'esprit, donc si ça me revient, je vous en parle. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h, ce depuis plus d'une quinzaine d'années puisqu'on a fêté les 30 ans et les 40 ans ici sur cette station RIG 90.7, mais cette émission existe depuis 1984, elle a été créée en 1984 par votre serviteur sur une petite radio, je ne sais plus exactement où, mais je sais qu'en 85 j'étais sur Bordeaux 1, 84 j'étais quelque part ailleurs, mais bon. Tout ça, c'est des vieux souvenirs, et je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, que à l'origine, je venais à la radio avec deux bacs de 33 tours et quelques 45 tours, et je demandais aux gens d'appeler pour demander leurs chansons. Alors, ce qui était dommage et un peu compréhensible, c'est que les gens demandaient à peu près tout le temps les mêmes chansons, donc je poussais un petit peu pour en proposer d'autres. Et puis, et quelquefois, c'était dur, parce qu'il y avait une partie des paroles, une partie de la musique, j'avais de l'aide. Et un jour, en 1992, je suis allé sur une autre radio qui m'a dit « Eh bien, tu ne fais plus appeler les auditeurs, mais tu fais une playlist ». Je l'ai faite, cette playlist, et depuis, on n'a pas bougé. Et c'est bien aussi comme ça, je vous propose quelque chose de plus varié. Comme par exemple, cette chanson de John Lennon en 1974, c'est une chanson triste. « Nobody loves you when you're down and out ». Et je vous propose une version alternative sur RIG. Nine, that's a lucky number. Two, three, four. Finger on it, it slips away. Every time I put my finger on it, it slips away. What you say, what you say, what you say, what you say. Nobody loves you when you're old and gray. Nobody needs you when you're upside down. Everybody's hollering about their own birthday. Everybody loves you when you're 6 foot in the ground. De John Lennon en 1974, et je dois vous avouer que je préfère la version qui est sur l'album, pas celle-ci, qui est une version alternative. L'autre, il y a beaucoup plus d'orchestration et je la trouve encore plus touchante lorsqu'elle est très orchestrée. Nous allons, si vous le voulez bien, et de toute façon vous n'avez pas le choix, revenir à l'album de la semaine. L'album, c'est New de Paul McCartney en 2013. Early Days est la chanson que nous allons entendre dans quelques secondes. Elle vient d'une journée où Paul McCartney avait passé du temps à se remémorer sa jeunesse avec John Lennon à Liverpool. Les disquaires où il découvrait le rock'n'roll, les affiches, le sentiment d'excitation d'avant Beatles. Il a dû être particulièrement fier de ce titre justement parce qu'il y met beaucoup de souvenirs personnels et une certaine vulnérabilité liée au fait de voir d'autres raconter son histoire à sa place. C'est pour ça qu'il dit « moi j'y étais ». Dans ses... Alors, Early Days, c'est les jours d'il y a longtemps, quoi. C'est on pourrait appeler ça en français les jeunes années, les premières années, les premiers jours. Ouais, les premiers jours, pourquoi pas. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. To you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Ooh. I don't see how they can remember when they weren't where it was at. Let's go. Curse, man. Okay, and we'll get that all done after. Yeah. Now, union rules. I didn't hear you about the Cokes, by the way. Oh, we'd like some Cokes, Mal. And if you've got some cannabis... Mal, some Cokes. Some Cokes in here, Mal. Nell, Mal. Cannabis resin, too. Yeah, if you got any cannabis, send it in. We've got that taped for the High Court tomorrow. It puts you off when you know it's 12. Oh, my God, they overheard it. Oh, my God, that was very loud in here. How does it feel to be one of the loudest people? All right, let's hear some rhythm and soul from London now, please. Come along. John, we felt swinging. I mean, we felt swinging. Well, do you want to hear it back? Swinging. I mean, we felt swinging. Hey, you want to hear it back? I mean, yes. All right, we'll hear it back then. Ça me rappelle pas mal les pantomimes qu'ils ont fait, les Christmas records qu'ils ont fait pour les fans fin décembre à chaque fois pendant toutes ces années-là. Parce que là, c'est, on va le dire, hein, c'est la déconne. C'est vraiment la déconne. Ils savaient très très bien quand ils ont roulé les airs et tout ça, que la prise était ratée, que ça ne serait pas la prise finale. Mais ils se sont amusés et ça, c'est bien. Bravo les Beatles. Romantique en 1973 sur l'album Mind Games. I know, je sais, ça fait plutôt gabin, mais en français. Bon, la chanson suivante, vous l'avez écoutée la semaine dernière, je le sais, je l'ai fait exprès, parce que je voulais vous faire entendre une sorte de... comment dire ça ? J'ai demandé à Eric, qui est très très fort pour monter les chansons, faire des mash-up et tout ça, d'essayer de mixer les deux chansons ensemble. Il a essayé, le résultat n'était pas du tout intéressant parce que ils ne sont pas sur le même ton, m'a-t-il dit. Il y en a un qui est en do et l'autre qui est en ré. Je le crois, parce que je ne suis pas musicien, donc je le crois. Néanmoins, nous allons écouter Vertical Man et à la suite Queenie Eye. Et vous allez entendre de vous-même la ressemblance qu'il y a entre les deux chansons à un moment donné. En 1998, Vertical Man. When the world is coming down on you, and your back's against the wall, 'tain't

before. I was nervous, but I did it. Now I'm going back for more. Souvenir avec cette chanson-là en concert, ça marchait très très très bien. Queenie High à l'instant sur RIG 90.7. Le titre et le refrain Queenie High viennent d'un jeu de cour de récréation de son enfance, un jeu de balle pratiqué dans les rues de Liverpool et dont la comptine incluait Queenie Queenie Who's Got the Ball, déformé en Queenie High. Le clip est un clin d'œil à la célébrité de Paul McCartney. Il joue au piano dans les studios Abbey Road pendant que la scène se remplit discrètement de stars. Johnny Depp, Kate Moss, Meryl Streep, Sean Penn, etc., etc. Ce qu'on peut dire sur cette chanson-là, qui est une très, très bonne chanson. De toute façon, les années 2010 pour Paul McCartney sont quand même très, très, très, très bonnes. Nous en sommes à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par Paul, John ou George ou Ringo, que ce soit avec les Beatles ou en solo, même si eux-mêmes faisaient la reprise de quelqu'un, comme quand George Harrison chante Baltimore Oriole, par exemple, comme quand Paul McCartney chante une chanson de Fats Domino, etc., etc. Et bien là, c'est quelqu'un de connu, on va dire, hein. C'est même quelqu'un qui a piqué la femme de George Harrison à un moment donné. Il s'agit d'Eric Clapton qui, en concert sur l'album qui s'appelle To Save a Child, An Intimate Live Concert de 2024, il chante avec son pote, Danny Harrison, Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Et c'est sur RIG. I'd like to invite a friend of mine, Mr. Danny Harrison, to join me on this one. dernier titre de John Lennon. On a écouté tout à l'heure I Know, I Know. Voici la même chanson, mais en version comme vous aimez. L'évolution de la chanson au travers du studio sur un Mind Games, The Ultimate Selection Collection. Voilà. All the time, as we share in each other's mind. No, no, no, no, no, no, no, no, sharing each other's crime. We share in each other's mind. Today, I know. It's really hard to play like this. Do you have any other ones, Ralph? I only need that. That for the rest of it's fine. I'll just keep the rhythm going to get you. To keep me there. This fucking thing's crippled me. So easy in bed. No. Don't keep saying those numbers. Can I go ABC? No, just keep saying one till we get it. One for the road. Okay. I know what's coming down, and I know where it's coming from, and I know, and I'm sorry, yes I am, but I never could speak my mind. Think of Mama Cass and let's go. Change tape, Tom. Oh, two, a two, two, three, four. I know what I was missing, but now my eyes can see. I put myself in your place. You did for me. Today sharing each other's minds. Voilà, on va dire une version travail de I Know de John Lennon. Maintenant, je vous propose une chanson qui n'est pas de George Harrison. La chanson date des années 30, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est l'une des plus belles reprises qu'il ait réussi à nous proposer durant sa carrière musicale, monsieur George Harrison. C'est ma chanson. C'est probablement ma chanson préférée de l'album Somewhere in England, sorti en 1981. Voici Baltimore Oriole. À écouter très fort, c'est très très joli. Merci George. Tout à l'heure, dans une grosse demi-heure, ce sera Eric et son émission Johnny de A à Z avec une proposition pour ce soir. Est-ce que je vais avoir le temps de vous la montrer? Parce que j'ai oublié de regarder, c'est vrai, j'ai oublié. L'émission de ce soir, oh ben oui, si, je vais écouter parce que ça va être très très intéressant, comme d'habitude. Ce sera nos chansons préférées de Johnny, le nouveau livre sorti par Thibaut Geffrotin et qui me paraît très très intéressant. Je pense qu'il y aura une interview et ça va être vraiment vraiment très très intéressant. Merci, Eric. In the queue to go to the Cosmic Empire. I want a front row view down at the Cosmic Empire. An omnipresent view down at the Cosmic Empire. Shining clear, it feels right there. Where one world's all disappear, it shines bright there. Down at the Cosmic Empire. Down at the Cosmic Empire. Souls are filled with joy, can't resist the spirit no one can destroy. You find bliss there. Down at the Cosmic Empire. Down at the Cosmic Empire. Cosmic Empire sur RIG de George Harrison. Cette chanson a été créée en 1970 et n'est jamais parue jusqu'à récemment, où elle est sortie de l'oubli, et c'est très très bien parce que c'est une belle chanson. Tout à l'heure, Rook m'a relevé sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. J'ai dit par erreur que Baltimore Orioles était daté des années 30. En fait, il date des années 40. Merci Rook de m'avoir corrigé. C'était c'est bien de le faire parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, ce genre de truc-là. Il suit, oui, comme dit Eric, il suit. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est New, sorti en 2013. Un excellent album de Paul McCartney. I Can Bet n'a pas eu le même éclairage médiatique que les autres singles, mais elle s'inscrit dans la veine rock-pop, très directe de l'album où McCartney joue avec l'idée de défis amoureux et d'assurance, façon clin d'œil à ses années 70. Même si elle n'a pas été mise en avant en single, elle participe à l'équilibre du disque entre l'introspection Early Days et des titres plus malicieux et immédiats. La voici, la chanson. Listen to me. I'll look you straight in the eye and will you tell me what I'm gonna do next. I'll even tie it to your imagination. Do you hear me? If you don't understand, I'll take a hold of your hand and will you need me. What I'm gonna do next, I'll even tie it to your imagination. I can bet. va dire que entre 1970 et 1973, Paul McCartney en a pris plein les dents de ses anciens confrères John, George et Ringo. Cette chanson-là, c'est une chanson justement dans laquelle George dit « Allez, on va jouer au jeu, tu me poursuis, je te poursuis. » Et c'est le blues de « Tu me poursuis, je te poursuis, amène tes avocats, j'amènerai les miens, etc., etc. On va faire un petit jeu. » Néanmoins, c'est une très très belle chanson que vous avez pu entendre en 1973 sur l'album Living in a Material World. On se dépêche parce que Eric est impatient de démarrer son émission et je vous propose de revenir comme je vous l'ai dit depuis le début. Les Beatles sont tous extraits de l'anthologie 4. Voici Here Comes the Sun sur RG. daddy never held you like he should. Maybe your mama just held on the best she could. Every soul has a secret. Give it away or keep it. But yesterday's gone, so tell me why. Du monde en 1992 et Ringo encore, mais cette année en country. You Want Some sur RG. Well, I got love to give. Maybe that's a better than none. You want some. You want some. Eurostar sur RIG qui nous prépare encore un album country pour 2026, puisque lorsqu'ils ont fait cet album-là, eh bien, ils s'est rendu compte qu'il en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. De quoi en faire un autre? Alors, il va le faire. Voilà. Et tant mieux. On va terminer en apothéose. On va vous proposer 5 chansons. On commence par Everybody Out There, puis New. Et puis, la fin, vous allez entendre, vous en doutez peut-être, ce sera très, très, très bien du haut niveau. If you haven't got the time, I can give you some of mine. Never for the grace of God go you and I. We're the brightest objects in the sky. déborder un petit peu parce qu'il y a trois chansons mises à niveau. Il s'agit de Free as a Bird, Real Love et Now and Then à la suite en version 2025. and schemes, gone like some forgotten dreams. Seems that all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys, playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for love. te suis redevable de plusieurs minutes. Merci à tous et à toutes. C'était la saga des Fab Four numéro 654. Maintenant, place au roi Eric. À très très bientôt. Salut.